Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Cette semaine, dans le cours de l'histoire, une réflexion sur l'économie, des principes de l'économie politique et de l'impôt. Tel est le titre d'un ouvrage qui paraît en 1817. Il est signé de l'économiste anglais David Ricardo, économiste, et c'est l'étiquette qui lui est restée pour la postérité. En son temps, Ricardo aurait été qualifié de financier, d'homme d'argent ou bien de député, car il l'était. Diantre, qu'est-ce qui a pu conduire cet homme à penser l'économie dans un monde en pleine transformation, celui de l'industrialisation ? L'héritage de Ricardo est considérable. Un David Ricardo, sinon rien, le capitalisme sans modération. Depuis 15 jours, trois grands seigneurs de la cité luttent à coups de milliards pour s'assurer le contrôle du plus grand des grands magasins de Londres, Harrods. Dans cette émission sur la révolution industrielle, je voudrais maintenant entrer dans le vif du sujet. Mesdames et messieurs, le champ de bataille où fut gagné à travers les siècles, cette campagne qui a pourtant l'air de n'être jamais terminée, celle qu'a menée l'Anglais moyen pour ce qu'Aragon a appelé liberté chérie. Il est incontestable que Karl Marx doit énormément aux économistes qui l'ont précédé. Guylain de Leplace, bonjour. Bonjour. Vous êtes d'accord avec cette idée que Marx doit beaucoup aux économistes qui l'ont précédé et notamment David Ricardo ? Il doit surtout à Ricardo et d'une certaine façon l'image que l'on a gardée de Ricardo a été un peu polluée par ce qu'en a dit Marx. C'est-à-dire que Marx lui a fait beaucoup de mal en disant du bien. Marx considère qu'avant Ricardo, il n'y a pas d'économie politique scientifique. C'est lui qui invente l'économie politique scientifique. Enfin Ricardo vint, dit-il dans les théories sur la plus-value. Et évidemment... Pour Marx, certains aspects de la théorie de Ricardo lui vont comme un gant, puisque Ricardo insiste sur le fait que c'est le travail qui crée la richesse. Le travail commandé par du capital, mais quand même le travail. Il insiste sur le fait qu'il y a une opposition d'intérêts entre les travailleurs et les capitalistes. Lorsque les salaires augmentent, les profits baissent. Pour augmenter les profits, il faut baisser les salaires. Ça convient évidemment tout à fait à Marx. Et puis, il y a cette idée que l'avenir du capitalisme, eh bien, il n'est pas nécessairement garanti. Le progrès des richesses peut rencontrer des obstacles. Alors, Marx développera cette idée à travers la notion de crise, la baisse tendancielle du taux de profit, etc., Mais disons, il y a beaucoup de choses qui sont chez Ricardo et qui lui parlent et qui lui permettent d'une certaine façon aussi de valider ce qu'il dit, lui, Marx. Parce que Ricardo est un grand économiste qui est reconnu, c'est un professionnel de la profession, comme disait Godard. Bon, Marx est un philosophe, bon, il n'est pas anglais, ce qui aide pas quand même dans l'économie. Donc, d'une certaine façon, tirer Ricardo vers lui, c'est une manière d'acquérir une certaine visibilité intellectuelle, scientifique. Et bon, le problème, c'est que les gens vont lire Marx et ils vont, surtout à partir de la seconde moitié du 19e siècle, comprendre Ricardo à travers un peu les idées de Marx. Et on en a un exemple en France. Les libéraux français sont absolument hostiles à Ricardo. Et pourtant, Ricardo est considéré en général, et encore aujourd'hui, on y reviendra peut-être, comme étant un défenseur du libéralisme, aussi bien au plan interne qu'au plan international. Donc, bon, en principe, les libéraux français devraient aimer Ricardo. Sauf que, eh bien, Ricardo dit les choses crûment. Effectivement, il y a des classes sociales. Et ces classes sociales ont des intérêts antagoniques. C'est pas les harmonies économiques de Bastia. Effectivement, le capitalisme rencontre des problèmes. Ce n'est pas cette idée que la richesse est garantie d'une manière indéfinie par l'accumulation du capital et que tout le monde va s'enrichir grâce à ce développement du capitalisme. Donc les libéraux français s'arrêtent en quelque sorte à cela, et c'est vrai que d'une certaine manière le développement d'un courant en Angleterre, ce qu'on appelle les socialistes ricardiens, qui essaient de s'appuyer sur l'analyse de Ricardo pour contester la domination du capital, pour améliorer la situation des travailleurs, et puis comme je le disais auparavant, Marx, qui en dit du bien, ça fait que les libéraux français voient rouge, et ils sont contre Ricardo. Alors, C'est pas très important, parce que les libéraux, les économistes libéraux français ne reprennent pas grand-chose dans la pensée économique au XIXe siècle. La France est très en retard de ce point de vue-là. Les grands économistes français du XIXe, c'est Valras, qui sera lui aussi mis à l'index par ses collègues. Donc, c'est pas très important. Mais d'une certaine manière, il y a toujours eu des controverses après Ricardo sur ce qu'il a vraiment dit, quelle était vraiment sa position. Et les grands économistes qui ont suivi, anglais, Alfred Marshall à la fin du 19e, au début du 20e, Keynes bien sûr dans les années 30, ont eu des jugements nuancés sur Ricardo. Le plus grand spécialiste de l'histoire de la pensée économique, qui est aussi un grand économiste, mais il n'est pas anglais, celui-là est autrichien, Schumpeter, considérait que Ricardo était un détour dans le développement de la pensée économique. On aurait gagné un siècle si Ricardo n'avait pas existé. Bon, Keynes pensait que sur certains points, au contraire, si on avait suivi Ricardo, on aurait gagné un siècle, on y reviendra peut-être. Donc, il y a des jugements qui sont tout à fait ambivalents. Et puis alors, qu'est-ce qui reste de Ricardo aujourd'hui ? Ah bah oui, qu'est-ce qui reste ? Alors, si vous ouvrez un manuel d'économie, il n'y a pas grand-chose. Il y a, bien entendu, le commerce international. Tout le monde connaît ça, mes enfants l'apprennent en terminale, le modèle ricardien de spécialisation, le Portugal va vendre du vin et l'Angleterre va vendre du drap et tout le monde y trouvera son compte. Bon, ça c'est vraiment la Vulgate, ça représente une dizaine de pages dans les principes c'est pas inintéressant, mais... Il y a quoi ? Il y a aussi aujourd'hui l'idée de très à la mode d'une inefficacité de la politique budgétaire. Alors il y a 10 lignes chez Ricardo là-dessus, mais bon, ça fait partie un petit peu de. Alors ça c'est pas dans les manuels, mais disons dans les manuels un peu avancés, ce qu'on appelle l'équivalence ricardienne. Voilà. Bon, peu importe la politique budgétaire qui est menée, elle sera inefficace. Je ne vais pas rentrer dans les détails pourquoi. Et puis il y a la monnaie. Ricardo a beaucoup écrit sur la monnaie, à peu près la moitié de ses écrits sont consacrés à la monnaie. On dit souvent, et c'est pas complètement faux, que Ricardo est l'inventeur de la Banque centrale. Et en particulier de la notion d'indépendance de la Banque centrale. Alors comme cette notion d'indépendance de la Banque centrale, sous-entendu par rapport au gouvernement, est associée à l'orthodoxie monétaire, on dit, Ricardo, c'est le père de l'orthodoxie monétaire. Alors voilà, mais en gros, c'est ces choses-là. Ce qui est l'essentiel, ce qui est dans les principes pour l'essentiel, c'est-à-dire sa théorie des prix, sa théorie de la répartition des revenus, on en parlera, sa théorie de la croissance. Tout ça, c'est considéré comme étant plus ou moins obsolète et on peut l'oublier. Alors, en gros, donc, ce qui reste de Ricardo aujourd'hui, c'est cette image d'un libéral. Bon, le sujet de votre émission cette semaine, c'est les rapports entre l'État et l'économie. C'est vrai que Ricardo n'est pas favorable à un poids important de l'État dans l'économie. Mais bon, c'est il y a deux siècles, hein. On est avant le welfare state, on est avant les guerres mondiales, etc., etc. On est dans un contexte de guerre, ça on y reviendra, parce que c'est très important pour comprendre l'économie politique de Ricardo. Mais bon, c'est clair, c'est un libéral. Derrière cela, il y a une théorie économique, il y a des principes, c'est comme ça qu'il appelle son ouvrage, je crois que ça vaut le coup peut-être de regarder un petit peu ce que Ricardo a à nous dire là-dessus. Eh bien, c'est l'occasion aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture avec vous, Guylain de Leplace, de réfléchir à qui est Ricardo et à son apport. Vous êtes professeur émérite à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis. Avec Ricardo, vous l'avez évoqué, le contexte est important. C'est un homme qui naît au XVIIIe siècle, en 1772. C'est un homme du début du XIXe siècle. On le dit bien, hein, Marx, c'est le milieu du XIXe siècle. Il y a un écart. C'est-à-dire que Marx a vu se développer le processus d'industrialisation. Il sait là où il en est quand paraît le manifeste du Parti communiste en 1848. Ricardo, lui, fin du 18e siècle, début du 19e siècle, il voit son monde en pleine transformation. Absolument. Alors, je crois qu'il faut insister sur deux choses, puisque vous parlez de l'aspect historique, en quelque sorte. Le contexte familial. Qui est Ricardo ? peut-être qu'on peut en parler un petit peu. Et que fait-il? Bon, vous avez parlé de finances tout à l'heure. Oui, c'est un financier. Donc ça, c'est un point important. Et puis, le contexte historique plus large, hein, c'est-à-dire le premier écrit de Ricardo sous la forme de trois lettres qu'il envoie à un journal, au Morning Chronicle, en 1809. On est en plein milieu des guerres napoléoniennes. Toute la fortune de Ricardo, puisque j'ai dit que c'était un financier, elle se bâtit en liaison avec l'augmentation considérable de la dette publique anglaise à partir de 1793, hein, le début des guerres qui dureront 20 ans avec des épisodes plus ou moins marqués, mais bon. En gros, c'est une situation de guerre jusque Waterloo en 1815, et ça continuera après, parce que le passage de l'économie de guerre à l'économie de paix suppose aussi de continuer à emprunter pour le gouvernement britannique. Donc voilà, ce contexte-là est important, mais il faut pas s'y arrêter. C'est-à-dire que Ricardo ne parle pas que de monnaie et finance, encore une fois, c'est toute la structure du système économique qui l'intéresse. Marx parlait de physiologie du système bourgeois. Voilà, ben Ricardo, et c'est comme ça que Marx appréciait Ricardo, d'avoir le premier décrit la physiologie du système bourgeois. Donc c'est beaucoup plus profond que ça. La théorie de Ricardo ne se limite pas aux 20 ans pendant lesquels il a écrit, moins de 20 ans d'ailleurs. Donc bon, mais il faut quand même comprendre ce contexte historique, familial et historique. Familial parce que financier, comment le devient-on? Comment Ricardo devient cet homme de la finance? Alors, Ricardo. C'est un économiste qui naît à Londres en 1772, vous l'avez dit, c'est pas un nom très anglais. Ah non, Ricardo, ça c'est sonne un petit peu espagnol. Alors, ça sonne espagnol, plus précisément, ses ancêtres étaient ces judéo-espagnols et portugais qui ont été convertis de force au christianisme à la fin du 15e, donc ce qu'on appelle les maranes, et qui ensuite, l'inquisition devenant de plus en plus rigoureuse, se sont exilés. Alors, on ne sait pas grand-chose au-delà du grand-père de Ricardo, mais on sait que dans les années 1730, le grand-père de David Ricardo, donc Joseph Israël Ricardo, est à Amsterdam. Et c'est un financier, donc à la bourse d'Amsterdam, qui est spécialisé dans le négoce des titres financiers émis par le gouvernement britannique, des titres, des emprunts d'État, disons, ce qu'on appellerait aujourd'hui du monde du trésor, émis par la couronne britannique et qui sont placés à Amsterdam. Pourquoi Amsterdam? Parce que Amsterdam est alors le centre financier de l'Europe et les Hollandais, Adam Smith le souligne, possèdent une grande partie de la dette publique britannique, d'autant plus que avec la guerre de 7 ans, donc fin 1750, début 1760, les besoins de la couronne britannique augmentent beaucoup et que les Pays-Bas sont un pays neutre. Donc il n'y a pas de problème, on peut placer la dette anglaise à Amsterdam sans problème. Et donc le grand-père de Ricardo est un homme important dans le ce marché des titres d'État britanniques. Son fils aussi, donc le père de David, qui s'appelle Abraham Ricardo. Et c'est d'ailleurs au moment de la guerre de 7 ans que Abraham franchit le Channel et va s'installer à Londres. Et donc il devient le pivot de cette mobilisation de l'épargne hollandaise pour les besoins de la couronne britannique. Et il devient aussi, puisque c'est un juif séfarade, une personnalité importante de la communauté séfarade à Londres. Et c'est important de dire ça parce que eh bien, lorsque Ricardo a 20 ans, il a déjà commencé à travailler avec son père depuis l'âge de 14 ans. Il a fait son éducation à Amsterdam. Il a été envoyé par son père à Amsterdam entre 11 et 13 ans pour suivre la plus réputée des écoles talmudiques d'Amsterdam, la Talmud Torah, qui est l'école où Spinoza avait été élève au siècle précédent. Donc bon, il a une éducation. Et donc il revient à l'âge de 13 ans à Londres. Il commence à travailler avec son père. Il commence à bien travailler avec son père. Sauf que en 1793, à l'âge de 21 ans, il devient amoureux. Ah, terrible. Alors, c'est très bien, c'est un événement heureux. Mais c'est en même temps une catastrophe. Pourquoi? Eh bien, il est amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Priscilla Wilkinson. Wilkinson, et évidemment, cette jeune femme, avec un tel patronyme, n'est pas juive. Elle vient d'où, elle? C'est quel milieu social? Oh, c'est un milieu qui est plutôt propriétaire foncier, plutôt l'aristocratie foncière britannique. Mais en tout cas, elle n'est pas juive. Et ça, c'est un problème terrible. Comme je l'ai dit, le père de David Ricardo est une personnalité importante dans la communauté juive séfarade de Londres. Et surtout, sa mère accepte pas que son fils épouse une non-juive. Et donc, il est à la fois expulsé de la famille, donc il ne parlera plus avec ses parents jusqu'à la mort de sa mère dans les années 1810, je crois. Et surtout, il perd son job. Parce que son père le licencie de la société de courtage où il travaillait depuis 7 ans. Et donc, il doit repartir. Alors, il repart pas de zéro. Parce que il y a des confrères de son père qui n'appartiennent pas à la communauté juive et qui ont vu que le jeune David, il se débrouillait bien en bourse. Il avait du flair. Et donc, non seulement il a déjà un carnet d'adresses, puisque ça fait 7 ans qu'il travaille là, et puis aussi il a un carnet de chèques. En gros, il y a une banque qui lui ouvre un crédit illimité en disant voilà, on acceptera tous les chèques que vous tirerez sur nous parce que on sait que vous êtes bon. Et il est bon. Et il est bon d'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, 1793, quand il se marie, donc il devient indépendant, forcé, de sa famille et de son employeur, son père, c'est le début des guerres avec la France, les guerres révolutionnaires, puis les guerres napoléoniennes, donc un gonflement considérable de la dette publique anglaise. Et Ricardo va être très bon dans le négoce de cette dette publique anglaise, mais comme l'étaient déjà son père et son grand-père, mais bien meilleur, puisque en quelques années, en 4-5 ans, il va avoir amassé une fortune qui sera supérieure à celle de son père, c'est une belle revanche. Et quand il mourra 30 ans plus tard, donc en 1823, il avait à l'époque un revenu en euros actuels d'environ 7 millions d'euros par an, ce qui est pas mal, et il laisse une fortune à ses héritiers d'environ 200 millions d'euros actuels. C'est de loin l'économiste qui a le mieux valorisé sa connaissance du monde économique. Ah oui, parce que tous n'ont pas fait ça, et c'est très intéressant de voir qu'un homme comme Ricardo, qui commence dans la finance avant d'écrire sur la pensée économique, connaît très très bien ce monde de la finance. Illustration d'ailleurs de ce que peut être la bourse à Londres au XVIIIe siècle, parce que ces guerres de la Révolution et de l'Empire font la suite d'autres guerres, ces longues guerres qui opposent la France et la Grande-Bretagne, illustration avec Voltaire. Entrez dans la Bourse de Londres, cette place plus respectable que bien des cours. Vous y voyez rassembler les députés de toutes les nations pour l'utilité des hommes. Là, le juif, le mahométan et le chrétien traitent l'un avec l'autre comme s'ils étaient de la même religion et ne donnent le nom d'infidèle qu'à ceux qui font banqueroute. Au sortir de ces pacifiques et libres assemblées, les uns vont à la synagogue, les autres vont boire. Celui-ci va se faire baptiser dans une grande cuve au nom de Père par le Fils au Saint-Esprit. S'il n'y avait en Angleterre qu'une religion, le despotisme serait à craindre. S'il y en avait deux, elle se couperait la gorge. Mais il y en a 30. Et elles vivent en paix et heureuses. Un extrait des Lettres philosophiques et de Voltaire lu par Lara Brulle dans le cours de l'histoire sur France Culture. Guylain de Leplace, oui, bien sûr, Ricardo, par son cheminement personnel, familial, son mariage qui le coupe avec la communauté juive et sa famille, développe une fortune sur un terreau qui est déjà bien solide, celui de la finance à Londres. C'est cette longue histoire du 18e siècle. Ricardo, lui, profite des guerres de la Révolution et de l'Empire. C'est fascinant de voir toujours comment certains, au milieu du chaos que peut représenter une guerre, arrivent à comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il comprend mieux que les autres ? Alors, c'est assez curieux parce que Ricardo découvre assez tard l'économie. C'est un peu anecdotique, mais lorsqu'il accompagne sa femme, donc Priscilla, à Bath pour prendre les eaux, il s'ennuie un peu et il se promène dans les librairies et les bibliothèques et il tombe sur La richesse des nations, le grand ouvrage d'Adam Smith. Et on est en 1799, donc Ricardo a déjà 27 temps à l'époque. Ça fait déjà 6 ans qu'il est indépendant et actif à la bourse après l'avoir été déjà quand il était plus jeune avec son père. Donc bon, il ne découvre l'économie qu'assez tard. Et mais ça l'intéresse. Mais en même temps, il va pas éprouver le besoin d'en parler. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sa première intervention publique, en quelque sorte, dans le champ de l'économie, c'est en 1809. Alors, comment est-ce qu'il arrive à l'économie? Bon, au-delà de cette anecdote de la découverte de Smith, bien sûr, il arrive à travers Smith, mais en gros, il n'est pas le seul. Tous les économistes britanniques du début du 19e siècle sont des enfants de Smith. Et Ricardo, de ce point de vue-là, prolonge, mais en même temps aussi, on le verra peut-être, corrige Smith. Mais comment est-ce qu'il arrive à l'économie? Il arrive effectivement à l'économie à travers sa profession. Donc de courtier en titre de la dette publique. Et évidemment, on peut comprendre intuitivement qu'il y a un lien entre le prix de ces titres et comment faire fortune en les achetant et en les revendant. Ricardo est ce qu'on appelle un stock jobber, c'est-à-dire qu'il n'a pas de clients. Il travaille en compte propre, c'est-à-dire avec son propre capital. Quand il s'est retrouvé tout seul, il l'a emprunté, ce capital, évidemment, comme je disais tout à l'heure, banque de l'époque. Mais c'est son propre capital qu'il engage, qu'il risque, en quelque sorte, en achetant les titres et en les revendant. Or, le taux d'intérêt, évidemment, joue un rôle très important dans l'évolution du prix des titres et les fluctuations du taux d'intérêt, qui dépendent de tas de choses. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on est obligé d'être confronté à la question de la monnaie. Puisque le taux d'intérêt, qu'est-ce que c'est dans les conditions de l'époque? C'est le taux d'escompte auquel la Banque d'Angleterre escompte aussi bien le papier commercial que les titres de la dette publique. Autrement dit, donc on voit là, il y a un lien entre le prix des titres de la dette publique, le taux d'intérêt et puis la monnaie. Pourquoi? Parce que la Banque d'Angleterre a acquis une position tout à fait centrale dans le système monétaire anglais de l'époque. Avant déjà les guerres, parce que déjà à partir, on pourrait dire, des années 1760-1770, il y a un développement considérable des banques. Mais il y a une seule banque d'émission dans la région de Londres, la City, qui est la Banque d'Angleterre. Elle a le monopole depuis sa création en 1694, donc plus d'un siècle avant. Mais il y a des banques également en province, qu'on appelle les country banks, qui sont des banques d'émission. Mais en gros, on a un système monétaire qui est hiérarchisé. On a ces country banks, donc qui jouent le rôle de banque de dépôt et d'escompte en province. Il y a des banques londoniennes, mais qui ne sont pas des banques d'émission, mais auprès desquelles les country banks déposent leurs réserves. Et puis, ces banques londoniennes déposent leurs réserves à la Banque d'Angleterre et traitent avec la Banque d'Angleterre pour escompter le papier commercial ou les titres de dette publique qu'elles possèdent. Donc, la Banque d'Angleterre joue un rôle tout à fait central. Et ce rôle est évidemment considérablement développé pendant les guerres. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des guerres longues qui ébranlent l'économie britannique. Le blocus continental, c'est un petit peu plus tardif, et d'ailleurs on sait bien que le blocus a été à l'origine de l'Angleterre, pas à l'origine de Napoléon. C'est une mesure de rétorsion de Napoléon à un blocus mis en place par les Anglais, en particulier dans les colonies des Antilles. Donc la circulation métallique interne, les espèces qui constituaient auparavant et encore petit à petit, il y avait le billet de la Banque d'Angleterre qui s'était imposé, mais qui constituait la monnaie, l'essentiel de la circulation monétaire. Ces espèces métalliques, elles sont fondues et exportées. Donc, il n'y a plus d'or et d'argent qui circulent, et la Banque d'Angleterre est obligée d'émettre des petites coupures, donc une livre, deux livres, auparavant c'était maximum c'était au minimum 5 livres, pour justement remplir ce vide qui est provoqué par la disparition des espèces métalliques. Donc, en gros, on a une circulation monétaire à partir des années 1802-1803, qui est, on dirait aujourd'hui, fiduciaire. Hein, c'est-à-dire, c'est plus que du papier, et du papier qui n'est pas convertible. Hein, le papier de la Banque d'Angleterre qui était convertible à partir de sa création, en 1694, ne l'est plus depuis 1797. Hein, la convertibilité a été suspendue, elle ne sera rétablie qu'en 1821. Et donc, pour dire les choses très simplement, l'Angleterre s'enfonce dans une crise monétaire à partir des années 1808-1809. Et c'est là où Ricardo intervient. La première chose qu'il dit, c'est sur la monnaie. Mais on voit pourquoi il a des choses à dire sur la monnaie en raison de son contexte, enfin de son passé professionnel. Et donc sa première intervention, c'est ça. C'est il envoie 3 lettres au Morning Chronicle, donc août septembre 1809, pour expliquer pourquoi il y a cette crise monétaire. Et son explication est très simple, c'est la Banque d'Angleterre a trop émis. Trop de papier. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est elle la responsable. Elle a émis beaucoup de papier aussi à la demande du gouvernement. Bon, il a bien fallu que le gouvernement émette des titres de la dette publique et il a fallu les monétiser, ces titres de la dette publique, donc émettre du papier. Mais ce n'est pas une idée qui est tout à fait reçue à l'époque. L'idée principale qui existe à l'époque, c'est que bien sûr la livre s'est dépréciée, en gros 20%. Mais elle s'est dépréciée tout simplement parce qu'il y a une balance des paiements qui est déficitaire et qui, ce déficit, est créé par le ralentissement du commerce mondial et en particulier donc maintenant le blocus, par l'exportation de fonds nécessaires pour financer les alliés, les guerres sur le continent, etc. etc. Donc la thèse dominante, c'est celle-là. Hein, c'est que, en réalité, la dépréciation de la livre n'a pas une origine monétaire. C'est simplement la conséquence de la situation extérieure britannique, donc directement la conséquence d'une situation anormale qui est la guerre. Et Ricardo dit non, pas du tout. C'est le fait que, en gros, la Banque d'Angleterre ne connaît rien à l'économie, ne connaît rien à la monnaie. Tout ce qu'elle sait faire, c'est escompter du papier commercial, en gros, dans le petit milieu qui est celui des traders et des banquiers. Mais elle connaît rien à l'économie. Elle sait pas ce dont l'économie a besoin. Et elle a trop émis. Bon, nolens volens, mais elle a trop émis. Et c'est ça qui provoque la dépréciation de la livre. Alors, c'est intéressant parce que Ricardo, c'est un peu un coup de tonnerre dans les discussions de l'époque, et il arrive à convaincre un certain nombre de gens, et des gens qui sont bien placés, qui sont au Parlement, hein, vous disiez tout à l'heure qu'il finira au Parlement, mais bien plus tard, 10 ans après. À l'époque, c'est un simple financier. Donc, il arrive à convaincre des gens du Parlement, et donc se crée au sein de la Chambre des communes un Bullion Committee, donc un comité sur le lingot. Bullion, c'est le mot anglais pour lingot, donc sur le lingot. Pourquoi est-ce que le prix de l'or a augmenté? Pourquoi est-ce que le taux de change de la livre en termes de la monnaie française ou de la monnaie de Hambourg a baissé? Voilà. On va faire un rapport. Et c'est intéressant. C'est la première fois qu'on crée en quelque sorte une commission parlementaire qui va avoir pour objet d'auditionner des témoins, de discuter et de rendre un rapport. Et le rapport donc qui est rendu au milieu en juin 1810 valide les idées de Ricardo. Alors, il faut dire qu'il s'est beaucoup démené entre-temps. Il a publié lui-même ce qu'on appelle un pamphlet à l'époque, donc un petit ouvrage en janvier 1810. S'appelle le titre est intéressant, « Le haut prix du lingot, une preuve de la dépréciation des billets de banque, des billets de la Banque d'Angleterre ». Voilà, le haut prix du lingot est dû au fait qu'on a trop émis de billets et ils se sont dépréciés. Et donc, avec ces billets, la livre sterling. Et cela se reflète dans le prix élevé du lingot, ce qui fait que on est en crise monétaire. Et donc le rapport est publié en 1810. Il met longtemps à être discuté en séance plénière par la Chambre des communes. Pourquoi? Parce que la Banque d'Angleterre, évidemment, elle fait pression pour étouffer ce rapport. C'est normal, on dit du mal d'elle. Donc finalement, un an après, en 1811, et Ricardo s'est encore beaucoup agité par d'autres publications, il y a une discussion plénière et il y a un vote. et le rapport est rejeté. Ah oui. Et le rapport est rejeté à une forte majorité, 2/3. C'est-à-dire que, non, ces idées de Ricardo, qui ont convaincu, en gros, les esprits les plus acérés de son temps dans le champ de l'économie, mais pas la Banque d'Angleterre, parce que c'est pas là qu'il y a des esprits les plus acérés, en tout cas, c'est ce que pense Ricardo. Eh bien non, ça ne convainc pas les parlementaires. Alors, il faut dire que le Parlement britannique, à l'époque, est dominé par l'aristocratie foncière, en gros. Et bon, voilà, ils sont pas très ouverts sur l'économie. Et puis, il se trouve que, enfin, on verra par la suite, un certain nombre d'autres idées de Ricardo, leur restent en travers de la gorge. Mais bon, donc c'est un échec. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et donc, ça veut dire que, eh bien, la livre va continuer à se déprécier. Le maximum de dépréciation, ce sera en 1813. Là où, en gros, la fortune de Napoléon se retourne, la fortune militaire, diplomatique, politique se retourne. Mais ça ira donc jusqu'à une dépréciation de la livre de 30%. En termes d'or, c'est inédit. Hein, le maximum qu'on avait connu avant les guerres, c'était 4-5%. Aujourd'hui, ça nous paraîtrait pas grand-chose, mais dans les conditions de l'époque, c'est vraiment énorme. Et il faudra attendre non seulement la fin des guerres, c'est-à-dire Waterloo, mais encore 4 ans après, 4 ans de discussion encore, pour qu'enfin, en 1819, les idées de Ricardo soient admises. Entre-temps, il est devenu membre du Parlement. Il a publié les principes de l'économie politique et de l'impôt, donc il en a sous le pied. Hein. C'est pas seulement une théorie monétaire qu'il a, c'est une théorie monétaire qui est ancrée dans une théorie économique. Donc voilà, il arrive à convaincre, mais c'est une victoire à la Pyrrhus, parce que au bout de 2 ans, à nouveau, les idées de Ricardo sont abandonnées. Ricardo avait quand même l'idée qu'il fallait pas revenir à la situation d'avant. Il fallait profiter, en gros, de cette crise monétaire pour faire du neuf et pour améliorer le système monétaire anglais. Et il a donc des propositions tout à fait révolutionnaires. Keynes dira que si on avait suivi Ricardo en 1819, eh bien la monnaie moderne aurait été inventée un siècle avant. En gros, un siècle avant 1930, l'abandon de l'étalon or. Ricardo est favorable à l'étalon or. Mais il a, bon, pas en parler dans le détail, mais enfin, il a des visions tout à fait radicales pour l'époque. Et la plus radicale d'entre elles, eh bien, c'est de retirer le monopole de la création monétaire à la Banque d'Angleterre. La Banque d'Angleterre qui est une société par action. La Banque d'Angleterre, c'est une société capitaliste. Ce n'est pas la banque centrale telle qu'on l'imagine aujourd'hui. Hein, c'est pas du tout ça. Et de confier cela à une banque publique. Que l'émission monétaire soit confiée, donc sous la forme exclusive de billets, donc plus d'espèces métalliques, on se débarrasse des espèces métalliques, uniquement des billets, mais des billets émis par une banque publique qui est gérée par ce qu'il appelle des commissaires, des commissioners, indépendants du pouvoir politique, indépendants des banquiers, ce que n'était pas évidemment la Banque d'Angleterre, puisque était elle-même une société par action, mais aussi indépendante du pouvoir politique, donc des commissaires inamovibles, et qui ne sont responsables que devant le Parlement. Ils ne peuvent pas être virés par le Parlement, ils ne peuvent pas être virés par le gouvernement non plus, mais quand même, ils doivent régulièrement rendre compte. Bon, et bon, en gros, il s'agit pour Ricardo, pour eux, d'appliquer une règle d'émission qui va préserver la stabilité monétaire. Eh bien, Keynes, qui dira beaucoup de mal de Ricardo, mais sur un autre plan, dit, voilà, Ricardo aurait pu faire gagner un siècle. Donc, voilà, il a échoué sur le plan de la monnaie, 2 fois, en quelque sorte, en 1811 et en 1821, puisque en 1821, on revient au système d'avant les guerres, c'est-à-dire la Banque d'Angleterre, qui est libre de créer la monnaie comme elle veut, sans contrôle. Et il faudra attendre encore plus de 20 ans, en 1844, pour qu'il y ait une charte imposée à la Banque d'Angleterre avec des règles d'émission, qui sont pas les règles d'émission auxquelles pensait Ricardo, contrairement à ce qu'on pense souvent. Mais voilà, on perd du temps. Parce que Ricardo n'est pas suivi. Et il n'est pas suivi alors qu'il suffisait de lire des principes de l'économie politique et de l'impôt, ouvrage de Ricardo en 1817. Ce n'est pas l'utilité qui est la mesure de la valeur échangeable, quoiqu'elle lui soit absolument essentielle. Si un objet n'était d'aucune utilité, ou, en d'autres termes, si nous ne pouvions le faire servir à nos jouissances, ou en tirer quelque avantage, il ne posséderait aucune valeur échangeable, quelle que fût d'ailleurs sa rareté, ou quantité de travail nécessaire pour l'acquérir. Les choses, une fois qu'elles sont reconnues utiles par elles-mêmes, tirent leur valeur échangeable de deux sources, de leur rareté et de la quantité de travail nécessaire pour les acquérir. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Lara Brühl qui lisait ces quelques lignes introductives des principes de l'économie politique et de l'impôt de David Ricardo. Guilain de Leplace, ici on a une réflexion sur la valeur des choses qui associe la rareté, bien sûr, plus c'est rare, plus c'est cher, le travail. Ricardo évolue dans un monde en transformation. Il y a l'industrialisation, on nous sommes en Angleterre. Il commence à penser le capital. Le capital est souvent associé à Karl Marx, mais vous nous l'avez dit pour commencer cette émission, non, il y a Ricardo avant Marx. Oui, alors, cet extrait que vous venez de passer pose beaucoup de problèmes. Parce qu'effectivement, on comprend pas bien comment est-ce qu'on peut dire que la valeur des choses, c'est-à-dire, bon, dans les termes modernes, leur prix, est déterminée à la fois par leur rareté et par le travail qui est nécessaire à les produire. Et d'une certaine façon, ce qui va se passer avec ça, c'est que selon qu'on insiste sur un aspect ou sur l'autre, on va tirer Ricardo dans un sens ou dans un autre. Alors, j'ai déjà évoqué Marx tout à l'heure. Marx va insister sur le deuxième aspect, le travail. C'est le travail qui crée la valeur. Bon, et les prix des marchandises, grosso modo, bon, avec quelques modulos, mais grosso modo, sont déterminés par les quantités de travail nécessaires à leur production. Et puis, la révolution marginaliste des années 1870, donc des auteurs comme Jevons, et puis ensuite Alfred Marshall, le grand économiste anglais de la fin du 19e et du début du 20e, vont insister sur l'autre aspect, sur la rareté. Et on va dire, mais on n'est pas, on trahit pas Ricardo en disant ça, la preuve. Voilà, l'extrait, on peut lire ça. Bon, alors, il faut être sérieux. C'est un petit extrait, vous allez, il aurait fallu lire après. Ricardo dit, en gros, il y a deux types de marchandises. Il y a les marchandises qui, effectivement, sont rares au sens où on ne peut pas les produire. Ou plus précisément, on ne peut pas les reproduire autant qu'on voudrait. Il donne l'exemple des tableaux anciens. Évidemment, ils ont été produits, les tableaux anciens. Mais on ne peut pas produire un Rembrandt. Bon, cela, évidemment, c'est la rareté qui va déterminer leur prix. Pourquoi ? Parce qu'il existe une espèce de monopole de la propriété de ces biens, monopole qui ne peut pas être mis en cause par une concurrence entre des producteurs, puisqu'on ne peut pas produire ces biens. Mais qu'est-ce que ça représente dans la richesse d'une nation ? La grande majorité des biens sont des biens qui sont, comme il le dit, reproductibles par une concurrence libre de toute entrave. C'est-à-dire qu'il suffit d'avoir du travail, il suffit de mobiliser ce travail par du capital pour produire ces biens et augmenter la quantité de ces biens. Augmenter l'offre, on va dire. Et pour ces biens, qui constituent en réalité l'essentiel de la richesse, c'est donc les conditions dans lesquelles on les produit, et donc les conditions dans lesquelles le travail est mis en mouvement par le capital, qui va déterminer leur prix et qui va déterminer tout le fonctionnement économique de la société. Autrement dit, la rareté n'a pas de place dans la théorie de Ricardo. Et alors évidemment, c'est ça qui va gêner beaucoup après et qui gêne encore aujourd'hui. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on considère que la théorie de la valeur, de la répartition, de la croissance de Ricardo, tout ça, c'est obsolète. Ça a été balayé par la théorie marginaliste à partir des années 1870, c'est-à-dire par la théorie qui est encore la théorie dominante aujourd'hui, hein, d'une façon qui a été améliorée, etc. Mais bon, fondamentalement, c'est ça. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, spontanément, tout ce qui est rare est cher. Bah oui, c'est ce qu'on pense tout de suite. Qui dirait le contraire ? Oui. Eh ben non, Ricardo dit non. Non, les tableaux anciens, les vins d'une qualité exquise que l'on ne peut produire que sur un terroir très limité. Oui, bien sûr, Ça, on peut en faire l'expérience. Les vins de grands crus, on ne peut pas les reproduire. Au contraire, c'est ça qui fait la qualité de ces vins. On ne peut pas les reproduire en grande quantité. Donc, c'est leur rareté. Mais ça, c'est... C'est rien. C'est de la blague. Ben oui, c'est rien parce c'est que... La richesse produite depuis la révolution industrielle, c'est pas ça. Le textile, les locomotives à vapeur, les machines, les outils, les biens de consommation, tout ça qui dont la production augmente considérablement avec la révolution industrielle, ils sont pas rares. Ils ne sont pas. Et ça aussi, c'est une idée qui est un petit peu difficile à comprendre pour un esprit moderne, parce qu'on s'est tellement imprégné de cette notion de rareté que l'on considère qu'il y a une espèce de limite au-delà duquel, de laquelle on ne peut pas produire. Bon, et on voit bien tous les débats aujourd'hui sur la croissance zéro, est-ce qu'il faut pas être un petit peu plus limité, dans la croissance, etc. Mais tout ça, c'est dû à la mise en évidence de l'importance des ressources naturelles. Bon, Ricardo parle des ressources naturelles aussi, bien sûr, mais fondamentalement, c'est pas ça qui constitue une limite à la production de richesses. Fondamentalement, c'est la quantité de travail dont un pays dispose et la manière dont ce travail est organisé. On savait depuis Adam Smith que la division du travail est la cause principale de la richesse. Et donc, voilà, c'est cela quand même qui est important chez Ricardo. Mais ça a permis effectivement à des auteurs comme Alfred Marshall de dire « ben moi je suis dans la continuité de Ricardo ». Mais en réalité, en vidant complètement la théorie de Ricardo de son contenu. Mais ça aussi, ce qui a permis à d'autres auteurs, malheureusement, qui sont plus considérés comme des voyous, comme les socialistes ricardiens, comme Marx, de dire « ben non, chez Ricardo, on a ce qui se passe vraiment ». Il faut lire Ricardo pour comprendre la création de la richesse. Et alors sur la rareté, Guilain de Leplace, vous êtes très clair avec l'exemple des grands crus. Oui, parce que c'est vrai qu'on ne boit pas un grand cru tous les jours. En revanche, on mange du pain. Et la question de la circulation des céréales préoccupe particulièrement les Britanniques en ce début du 19e siècle. Et Ricardo aussi. Ricardo, je le rappelle, qui devient député. C'est-à-dire que cet homme financier, à la fois politique, est un penseur de l'économie. C'est pas un homme enfermé dans son bureau à lire uniquement Adam Smith et il regarde ce qui se passe autour de lui. Oui, alors là j'imagine vous avez en tête un débat très important auquel Ricardo va prendre part en 1815, qui est le débat qu'on appelle sur les corn laws, les lois sur le blé. Bon, alors... C'est quoi le contexte historique de cette affaire? Bon, 1815, c'est Waterloo. L'Angleterre sort d'une guerre de plus de 20 ans, pendant laquelle le commerce national a été considérablement entravé, et en particulier donc les importations de blé. Et donc, il a fallu, en gros, pour nourrir la population, mettre en culture en Angleterre des terres de moins en moins fertiles, assécher des marécages, débroussailler des forêts, etc., etc. De telle sorte que le coût de production du blé, et Ricardo insiste bien là-dessus, mais c'était déjà une idée qu'on trouvait chez Malthus, et il crédite Malthus là-dessus, ce coût de production du blé sur la plus mauvaise terre, c'est ça qui détermine le prix du blé. Parce que si le fermier qui exploite cette terre qui est mauvaise ne peut pas faire le même taux de profit que tous les autres capitalistes, fermiers ou manufacturiers, il met pas en culture la terre et puis elle reste. Bon. Donc pour que la quantité de blé nécessaire à nourrir la population soit celle qui est requise de façon domestique, puisqu'on peut plus l'importer, il faut bien mettre en culture des terres de moins en moins fertiles et le coût de production donc du blé augmente, donc le prix du blé augmente. Et si le prix du blé augmente, le salaire doit augmenter. Ah oui, parce que le salaire, c'est ce qui permet d'acheter le blé. Si les salariés n'ont pas la possibilité, n'ont plus le pouvoir d'achat pour acheter le blé qui est nécessaire pour leur entretien et celui de leur famille, eh bien, ils vont devenir malades, les conditions de la reproduction du travail, donc de la création des richesses, c'est pas un problème moral. Non, c'est un problème économique. Ouais. C'est à partir du moment où on a l'idée que c'est le travail qui crée la richesse, si le travail ne peut plus se reproduire, si on peut plus entretenir à long terme le travail. Alors, c'est pas la question de la famine à court terme. on est dans une perspective de long terme. Là. Ricardo, c'est un penseur du long terme. Hein. Eh bien, si les conditions de reproduction du travail sont ainsi compromises, la richesse s'arrêtera. Donc, il faut que le salaire augmente. Or, le problème, Ricardo, et ça c'est le cœur de sa théorie de la répartition, tout ce qui augmente les salaires fait baisser le taux de profit. Et donc, ça ne va plus. Et si le taux de profit baisse, ce qu'on appelle à l'époque l'accumulation du capital ralentit. Parce que les capitalistes, à la différence des propriétaires fonciers qui, eux, achètent des biens de luxe, là, non, les capitalistes accumulent leur capital. Les profits, ils les investissent. Et donc, le capital augmente, on peut mettre en mouvement plus de travail et donc on crée plus de richesses. Mais les capitalistes font ça si le taux de profit vaut la peine. S'il baisse trop, alors ils vont s'arrêter. Bon, alors, on est en 1815, la guerre s'arrête, et à nouveau, si on le veut, on peut importer du blé de l'étranger. On peut importer du blé de France, de Russie, où il est produit à un coût de production plus faible. Ben c'est voilà, c'est la solution. Ben oui, c'est la solution. Sauf que, qui profite de la hausse du prix du blé ? Ah, oui, les propriétaires fonciers, oui. pas les fermiers capitalistes. Les fermiers capitalistes, encore une fois, ça c'est une idée très importante de Ricardo. Le taux de profit, en gros, est le même dans tous les secteurs et il est le même pour toutes les unités de capital, tout simplement parce qu'il y a une concurrence entre les capitalistes. Si à un endroit, le taux de profit que j'ai sur mon capital est plus faible qu'ailleurs, je vais aller ailleurs. Et ça va modifier les prix et ça va uniformiser le taux de profit. Donc, c'est pas les capitalistes. C'est pas les fermiers capitalistes qui profitent de la hausse du prix du blé. Ce sont les propriétaires fonciers. Pourquoi ? Parce que si vous avez une terre qui est très fertile, évidemment, le prix du blé sur cette terre pourrait être plus bas. Le coût de production est plus faible, donc il pourrait être plus bas. Mais il y a un seul prix sur le marché du blé, puisqu'il y a une concurrence entre tous les producteurs de blé. Et le prix, on l'a dit, est déterminé sur la terre la moins fertile, la terre la plus pauvre. Donc ça veut dire que le fermier capitaliste, il fait un surprofit s'il exploite une bonne terre. Mais il ne peut pas le garder. Mmh. Oui, oui. Il peut pas le garder parce que le propriétaire foncier lui dit « Mais hé, c'est dû à la fertilité de ma terre, le surprofit que vous faites. Donc, vous me le versez sous forme de rente. Et si vous ne le faites pas, je trouverai un autre fermier capitaliste. Je résilie le bail et je trouverai un autre fermier capitaliste qui me versera ce temps. Donc, qui s'enrichit avec la hausse du prix du blé ? Les propriétaires fonciers. Or, c'est l'aristocratie foncière qui domine le Parlement britannique à l'époque. Ils se sont bien enrichis pendant la guerre et ils n'ont pas envie que ça s'arrête. Or, si on importe le blé français ou russe, évidemment, les terres qui étaient mises en culture en Angleterre et qui étaient pauvres, on ne va plus les mettre en culture. Et les meilleures terres, bien sûr, continueront à rapporter une rente, mais moindre, puisque l'écart entre le prix de vente du blé et le coût de production sur ces terres aura diminué. Et donc, ils sont vent debout contre ça. Et donc, on fait passer des lois qui restreignent l'importation de blé étranger, contingentement, taxes à l'importation, etc., de manière à, en gros, sauver la mise des propriétaires fonciers. Hein. Alors, là aussi, Ricardo... Ricardo, lui, il dit non, importons du blé. Oui, et alors, c'est assez curieux parce que ça dit quelque chose sur le personnage de Ricardo. Ricardo, donc, je l'ai dit, il a fait sa fortune dans la finance, et puis au bout d'un certain temps, il se dit que, bon, c'est quand même embêtant d'être tous les jours à regarder les variations du prix des titres, et donc il aimerait bien être un petit peu plus tranquille et surtout pouvoir penser à l'économie politique, s'installer dans sa bibliothèque et travailler. Donc, il devient un country gentleman. Il achète un domaine dans les Cotswolds en 1814. Alors, il continuera encore à gérer son portefeuille de titres, mais il cessera d'être inscrit à la Bourse de Londres en 1819. Et donc, pour vous donner l'idée de l'importance du bonhomme, ce domaine existe toujours. La maison de Ricardo à Londres n'existe plus, elle a été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais le domaine existe toujours, et pour vous donner une idée de son importance, il appartient aujourd'hui à la princesse Anne. C'est-à-dire que ce domaine est resté dans la famille Ricardo jusqu'en 1946. Et ensuite, elle est passée dans la couronne royale. Et c'est donc la princesse Anne qui, chaque année, organise des compétitions de cheval dans ce domaine. Donc, c'est pour dire que Ricardo, il devient un country gentleman. Et donc, d'une certaine façon, il se tire une balle dans le pied. Bah oui, il devient propriétaire foncier. Il devient propriétaire foncier. Il touche des rentes. Des rentes foncières. Mais non, voilà, ben Ricardo, il bon. Autre exemple du bonhomme, on sort de la guerre, donc en 1815, avec une dette publique considérable. Et c'est intéressant pour peut-être des choses qui, peut-être, aujourd'hui, pourraient être discutées. Bon, une dette publique considérable. Le problème, c'est que ça plombe le fonctionnement de l'économie, ça plombe la conversion d'une économie de guerre à une économie de paix, parce que, bah, évidemment, plus la dette publique est importante, et plus il faut élever le taux d'intérêt pour attirer les souscripteurs, etc., etc. Donc, bon, c'est contraire à la retour à une période de prospérité économique. Donc, ce serait bien de se débarrasser de cette dette. Parce que sinon, bah, pour rembourser la dette, il faudra toujours émettre de la dette. Hein, les titres arrivent à échéance, et le gouvernement va devoir... On connaît ça avec les bons du Trésor aujourd'hui. Bon, eh ben la proposition de Ricardo est très simple. Et à l'époque, il est déjà membre du Parlement en 1819. Il dit ben faisons un impôt exceptionnel sur la propriété. Ah d'accord. Donc toutes sortes de propriétés, ouais. Propriété foncière, propriété immobilière, propriété financière. Donc il se tire doublement une balle dans le pied en tant que propriétaire foncier et en tant que possesseur d'un patrimoine, enfin financier, donc d'un portefeuille de titres. Mais non, voilà, le mieux, c'est que il y a un impôt exceptionnel, allez, disons le mot, un impôt sur la fortune, exceptionnel, qui permette de sortir l'économie britannique de cette situation qu'elle a héritée de 20 ans de guerre, et de repartir sur de nouvelles bases. Mais bien entendu, cet impôt exceptionnel, il ne peut peser que pour ceux qui peuvent y contribuer, pas les travailleurs. Si vous percevez un impôt sur le revenu des travailleurs, sur les salaires, les conditions de reproduction du travail vont se trouver mises en péril, etc., etc. Non, ça ne peut être que sur ceux qui possèdent soit de la terre, soit du capital, donc les propriétaires. C'est pas mal comme idée. Évidemment, vous avez compris tout de suite que cette idée ne sera pas retenue. Mais non, elle n'est pas retenue. Et pourtant, elle aurait évité la banqueroute, elle aurait évité Et donc, l'Angleterre traînera une dette publique pendant 30, 40 ans avant qu'elle soit soldée, avec les conséquences que ça a en termes de crise financière et monétaire régulière. Mais bon, voilà. Mais c'est pour dire, il y a des choses à trouver chez Ricardo. Enfin, je sais pas, peut-être, voilà. Un impôt sur la fortune qui permettrait de solder les comptes de la crise financière de 2008 et du Covid de 2019, 2020, 2021, 2022, 2020, et de la transition écologique et tout ça. Enfin, cette idée d'une contribution exceptionnelle quand on est confronté à un problème de financement majeur qui risque de plomber la poursuite de l'accumulation des richesses, enfin de la croissance des richesses. Ça, c'est une belle idée quand même. Ouais, c'est une belle idée et c'est une idée qu'on va retrouver dans les écrits de Ricardo, des principes de l'économie politique et de l'impôt, qui pourrait paraître ardu à la lecture et qui l'est parce que c'est un ouvrage de pensée économique du début du 19e siècle, mais qui, malgré tout, a un écho. Et vous l'avez dit, Guilain de Leplace, chez tous les penseurs de l'économie, et peut-être jusqu'à aujourd'hui, avec des situations possibles, envisageables. Sortir d'une guerre, ces guerres de la Révolution et de l'Empire qui ont créé une dette considérable, bah, c'est une situation qu'on connaît aujourd'hui avec des dettes considérables. C'est très intéressant de voir comment ces penseurs du passé ont un écho avec notre actualité. Et on lira avec profit votre histoire de la pensée économique publiée chez Duno, parce que c'est ça aussi, ne pas imaginer que ces gens-là sont enfermés dans leur monde. Oui, absolument. Un autre exemple, peut-être, pour faire écho au débat aujourd'hui. On parle beaucoup des inégalités aujourd'hui. Bon, c'est redevenu un peu à la mode. Est-ce que c'est une mode qui durera? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon. Mais on voit ça comment? Problème de relation entre les riches et les pauvres. Voilà, quand les prix des produits de base dans les supermarchés augmentent de 15%, ça tombe principalement sur les pauvres. Mais la grille de lecture de Ricardo n'est pas celle-là. La grille de lecture de Ricardo, c'est pas les riches et les pauvres, c'est les capitalistes et les salariés. Alors bien sûr, il y a des travailleurs pauvres, et il y en a même aujourd'hui de plus en plus. Mais pourquoi est-ce que une hausse des prix de 15% des produits de base pose problème dans la perspective de Ricardo? Parce que si les salaires n'augmentent que de 4%, Ça veut dire que le salaire réel, le pouvoir d'achat réel en marchandises des travailleurs salariés diminue de 11%. Et bah, ça peut pas durer éternellement. Toujours, voilà. Et ça, c'est intéressant parce que on se dit, mais bon, alors évidemment, on est à une époque où, pour l'essentiel, les biens achetés par les salariés, c'est les biens de subsistance. On parlait du blé tout à l'heure. Bon. Mais Ricardo dit, attention, on ne parle pas d'un minimum physiologique, c'est pas un minimum de subsistance, il mange pas, il crève de faim. Non. Ça change d'un pays à l'autre, ça change d'une époque à l'autre. Pour reproduire le travail aujourd'hui, faut pas seulement manger des biens qu'on achète au supermarché. Il y a l'éducation, il y a la santé, il y a les transports, il y a les assurances. Tout ça, ce qu'on appelle aujourd'hui les dépenses préaffectées. C'est-à-dire, en gros, ce qui rentre pas dans le choix du consommateur. On est habitué à penser dans l'économie que le consommateur est roi, il choisit ce qu'il veut. Très bien. Sauf que selon les catégories sociales, vous avez entre 40 et 90% de la consommation qui est prêt affecté. Eh bien ça, c'est un enseignement de Ricardo. Eh bien voilà, c'est ça, cet enseignement que vous nous présentez, Guilain de Leplace, et qui a fait drôlement réfléchir à la pensée économique qui peut être passionnante pour comprendre le monde dans lequel nous vivons. Histoire de la pensée économique, votre ouvrage, c'est éclairant. Merci vivement de nous avoir présenté cette pensée-là, et notamment David Ricardo. Merci beaucoup à vous. Merci de m'avoir accueilli. Il est temps de retrouver Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Pourquoi le commerce des esclaves a-t-il pris son essor au début du Moyen-Âge ? Les recherches sur l'histoire de l'esclavage ont beaucoup progressé au cours de la période récente, mais elles se sont surtout focalisées sur la période moderne, dominée par le commerce triangulaire et la traite transatlantique pratiquée par les Européens. Pourtant, l'esclavage a été aussi une dimension essentielle de l'histoire économique et sociale du Moyen-Âge, tout particulièrement autour de la Méditerranée. Entre le 8e et le 11e siècle, l'irruption des Arabes au Maghreb, au Sahara et aux frontières de l'Occident chrétien, conjuguée avec les invasions normandes et la poussée des Francs vers le nord et l'est de l'Europe, mais aussi vers l'Italie lombarde, ont considérablement remodelé le destin du monde méditerranéen. La traite et le négoce des esclaves sont alors devenus des éléments essentiels dans le développement des échanges commerciaux. Bien que les chiffres soient difficiles à établir, on estime que des dizaines de milliers de personnes étaient déportées annuellement. Les esclaves jouaient un rôle indispensable en tant que force de travail dans l'économie européenne. La mise en valeur des grands domaines aristocratiques reposait en partie sur leurs frêles épaules, comme le prouve une ordonnance de Charlemagne demandant instamment à ses officiers de lui procurer des troupes d'esclaves pour les travaux agricoles. Mais cette main-d'œuvre servile était aussi une monnaie d'échange. Les marchands andalous se rendaient fréquemment dans le nord de l'Espagne pour acheter des esclaves en provenance d'Europe afin d'acquérir en contrepartie des produits orientaux. Des régions entières du Maghreb, de l'Afrique subsaharienne et de l'Europe furent alors transformées en réservoirs d'esclaves. Les trafics transitaient par l'Afrique, mais aussi par l'Asie, par les fleuves russes, le Caucase ou la mer Caspienne. La pratique de l'esclavage contribua fortement aussi à l'intensification des échanges bilatéraux avec les royaumes slaves et la Russie tout au long du 9e et du 10e siècle. Les esclaves, de même que les chevaux et la cire, étaient vendus contre des armes et des marchandises de luxe. On sait que les villes côtières et les centres sahariens jouèrent un rôle capital dans la concentration et la redistribution des esclaves. Mais d'autres villes, en Europe du Nord, furent aussi fortement impliquées dans ce genre de trafic. L'importance stratégique des marchés de Mayence, une ville allemande située sur la rive du Rhin, est attestée par les sources latines, qui la décrivent comme un centre de regroupement des captifs. Au IXe siècle, la ville de Verdun, en Lorraine, était un pôle actif de rassemblement des eunuques slaves et anglo-saxons destinés aux pays musulmans. Ils étaient transférés à travers la vallée Mosane en direction de Lyon, d'où ils rejoignaient Narbonne et Arles. Les sources arabes et latines convergent ainsi pour souligner une imbrication complexe de réseaux animés par des commerçants aux origines confessionnelles disparates. Apparemment, à cette époque, les clivages religieux ne semblent pas avoir dressé des barrières infranchissables entre les hommes qui tiraient profit de la traite des esclaves. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui à la technique Florent Bujon, émission préparée par Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudet, Jeanne Copet, Raphaël Laloum et Maïwenn Guizhou. Le cours de l'histoire écouté à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.